Les deux bossus, nouvelle espagnole, d'Amédée Pichot. Chapitre 1er. En un lugar de España, de cuyo nombre no quiero recordarme. Dans une petite ville d'Espagne, dont le nom m'échappe. Mais j'ai regret de me servir du début de Don Quichotte. Ce maudit chef-d'œuvre a tué les chevaliers, les géants, les fées, les enchanteurs, etc., etc. Faites-moi donc de bons comptes sans cela. Heureuse et malheureuse Espagne, tu dois à Cervantes le premier des romans. Mais pour toi, ce fut aussi et ce sera le dernier. Dans une petite ville d'Espagne, donc, vivaient deux bossus. À défaut des nains de la vieille chevalerie, perdus comme les géants, hélas, il faut bien se contenter de l'équivalent. Ces deux bossus, nés dans la même ville et peut-être dans la même rue, n'avaient entre eux de commun que la bosse. L'un était le plus jovial et le plus galant compagnon, toujours de bonne humeur, toujours complaisant, prenant en bonne part les plaisanteries les plus vives sur les bossus en général et sur lui-même en particulier, étant quelquefois même le premier à s'offrir en holocauste à la gaieté de ses amis, esprit bien fait, en un mot, dans un corps de travers. On le nommait Don Juan de la Ronda, ou plus familièrement Juanillo. L'autre avait le caractère le plus morose, le plus caustique, le plus envieux et le plus susceptible qui ait jamais justifié certaines chansons contre la race des gens marqués au B. On le nommait Don Marcos de la Punta, ou, quand on voulait faire taire ces colibés méchants, El Corcovado tout court. Juanillo et Corcovado étaient tous deux musiciens et pinçaient de la guitare avec une rare perfection. Mais autant Juanillo faisait agréablement sa partie dans un concert ou une sérénade, autant il était dangereux d'y inviter Corcovado, qui trouvait toujours le moyen de jeter une fausse note au milieu de l'air le plus tendre, soit qu'il cassât au besoin une corde de son propre instrument, soit, plus volontiers, en prenant pour victime de ce mauvais tour quelque autre exécutant choisi d'avance. Peu à peu, les deux bossus se virent classés dans des sociétés tout à fait différentes. Les jeunes femmes, les veuves jolies et les fraîches señoritas recherchèrent Juanillo, qui chantait toujours la romance la plus amoureuse, qui racontait la nouvelle la plus romanesque, dont les beaux mots ne blessaient personne, dont les flatteries n'étaient jamais à double sens. On dit même que malgré sa bosse, Juanillo était si aimable qu'il ne trouvait pas beaucoup de cruels. Mais c'était ce qu'il eût été bien difficile de prouver, car sa modestie égalait sa discrétion. Il n'apprit jamais que par autrui ses bonnes fortunes, et il mettait tout son talent à les démentir. Corcovado avait un tout autre système. Il ne quittait jamais une belle que d'un air glorieux et triomphant. Il est vrai que peu à peu il se vit exclu de la compagnie de toutes les dames aimables, jeunes ou jolies, et qu'il ne fréquentait guère que les dévotes médisantes, les veuves laides et jalouses, ou les demoiselles, qui, après avoir fait longtemps les fières et les dédaigneuses, s'étaient laissées enlever leurs galants par leurs petites sœurs et même par leurs petites nièces. Il y avait là, comme partout, ce qu'on appelle des vieilles filles, et vu qu'elles n'avaient pas de journaux quotidiens ni de revues hebdomadaires pour se faire auteurs critiques, ces babeleux de village caressaient la mauvaise humeur de Corcovado, qui était le confident habituel de leur dépit et la gazette ambulante de leur méchanceté. « Avez-vous entendu, voisin, la ravissante sérénade donnée hier à Doña Inès ?»« Oui, voisin, comme les airs étaient bien choisis. »« Je le crois bien, Don Melchior avait Juanillo avec lui pour conduire l'orchestre. » »« Ma femme a remarqué surtout une jolie redondie, qu'elle a retenue par cœur, tant les vers en sont faciles et chantants. »« Votre femme a du goût, c'est Juanillo qui en est l'auteur. » « Ah, ce Juanillo est un adorable artiste. Il est l'honneur de notre ville, mon voisin, et s'il venait à mourir, je penserais que les anges nous l'ont enlevé pour lui faire faire sa partie dans les concerts du paradis. Je le penserais comme vous, car il est bien plus fort musicien que ce virtuose dont l'épitaphe pompeuse gravée sur un tombeau de la cathédrale de Séville nous assure que c'est lui qui sonnera de la trompette au jugement dernier. Je veux inviter Juanillo à dîner dimanche, voisin. Soyez des nôtres. Nous aurons une excellente olla podrida. Vous aurez Juanillo, je n'en veux pas davantage. Comptez sur moi, voisin. » C'est ainsi qu'on parlait de Juanillo. Mais quand Don Marcos de la Punta était le sujet de la conversation, ce n'était plus le même style. « Par Sainte Cécile, seigneur cavalier, quelle espèce de charivari nous avez-vous donné hier soir, vous qui êtes renommé pour vos galantes sérénades ? Ma fille en a les oreilles encore assourdies. Ah, Seigneura, ne m'en parlez pas. Je suis au désespoir. C'est votre maudit chat qui s'est mis à miauler sur les gouttières, et que ni pierre ni cri n'ont pu faire déloger. Un chat? Il n'y en a pas à la maison, ni dans le quartier. Vous m'ouvrez les yeux. Je parie que c'était ce drôle de Corcovado qui faisait le chat. Mais à propos, Seigneura, qu'est devenue votre charmante sœur? Est-il vrai que son mari la tient enfermée dans une sombre tour? Hélas, il n'est que trop vrai. On a monté la tête au vieux jaloux. On a prétendu qu'en son absence, sa femme se consolait en violant le 7e commandement du décalogue. Qui a pu faire ce rapport infâme? Qui, et mais l'ignorez-vous, c'est le chat de votre sérénade, ce maudit Corcovado. N'est-ce pas lui qui a brouillé aussi Doña Teresa avec son amant, Don Telesforo avec sa sœur, Don Fanrique avec sa tante? Mais c'est donc une peste que ce bossu-là. Vous l'avez dit, Seigneur Don Gregorio. Bref, ces deux hommes étaient comme le bon et le mauvais génie de ce canton. On devinera sans peine qu'ils avaient peu d'affection l'un pour l'autre. On aurait à moins de l'antipathie. Cependant, il y avait cette différence que si Corcovado détestait cordialement Juanillo, celui-ci se contentait de ne pas aimer Corcovado. Il le plaignait même charitablement, ne pouvant croire qu'il fût aussi heureux qu'il se vantait de l'être, alors même qu'il sortait sain et sauf des pièges qu'il tendait sans cesse à son prochain et dans lesquels il se prenait lui-même de temps à autre, quelque fin renard qu'il fût. « Bonjour, frère !» lui dit-il un jour qu'il se rencontra seul avec lui dans une rue solitaire. « Nous ne sommes ni frères ni cousins, » lui répondit Corcovado avec une aigre brusquerie, « car vous êtes l'ami de mes ennemis, le flatteur de ceux qui m'insultent. Au lieu de nous entendre, vous et moi, deux amis naturels que Dieu ou le diable, n'importe, mis au monde dans le même lieu et semblables l'un à l'autre, afin de nous soutenir mutuellement envers et contre tous, au lieu d'être tout l'un pour l'autre, et de nous venger à frais communs de ce monde qui nous raille et nous méprise. Vous êtes le valet de tous les sots et le complaisant de toutes les bégueules. Cherchez votre frère ailleurs, mon cher Juanillo. Vous dissimulez gracieusement votre bosse, moi je porte fièrement la mienne. » Vous êtes sévère pour moi, Seigneur Don Marcos, répondit Juanillo. Je ne suis le valet ni le complaisant de personne. Je cherche seulement à ne pas être ingrat envers ceux qui me font bon visage. Il ne tiendrait qu'à vous d'avoir mes amis pour amis, car il vous en coûterait moins d'être aimable qu'il ne vous en coûte d'être le trouble-fête du canton. Je vous comprends, mon doucereux seigneur. Vous étiez hier de noces, n'est-ce pas? Et l'on ne m'a point invité avec vous chez Don Inigo. Mais chacun jouit à sa manière. On avait oublié aussi d'inviter le vieil oncle du marié, avec qui j'ai passé tout le jour à la campagne, et qui a bien voulu me consulter sur certaines dispositions de son testament. Voilà tout juste ce dont je voulais vous parler, Seigneur Don Marcos. Comme on a remarqué hier au banquet l'absence du vieil oncle, le neveu n'a pas manqué de dire que c'était à vous et à vos bons rapports qu'il devait d'être en mésintelligence avec le frère de sa mère, mais qu'il saurait bien vous forcer de faire vous-même sa paix. Or, vous n'ignorez pas que Don Inigo est un ancien capitaine des gardes wallonnes, très fort sur l'escrime. Bon, il daignera, ce bel Amadis, de croiser le fer avec le vilain bossu, comme il m'a plaint un jour? Aussi, Seigneur Don Marcos, c'est d'abord avec le bâton qu'il prétend vous rendre plus favorable à sa cause. Avec le bâton. Oui, et moi, que vous accusez d'être un mauvais frère, je voulais justement vous conseiller de conjurer l'orage. Car, pas plus tard que demain, Don Inigo se propose de vous administrer 20 coups de canne, et de continuer chaque jour en doublant la dose jusqu'à ce qu'il reçoive de son oncle la preuve que vous avez rétracté les discours qu'on vous accuse d'avoir tenus bien avant qu'il ne vous traitât de vilain bossu. « Voilà qui est sérieux, » pensa Corcovado. Et comme il savait par expérience sans doute que sa bosse ne préservait guère ses épaules en pareille occasion, au lieu de remercier Juanillo, il alla de ce pas profiter de son bon avis. Car, à quelques jours de là, Don Inigo ayant invité ses amis et sa famille à célébrer de nouveau son bonheur à la campagne, l'oncle, naguère si mal disposé pour son neveu, fut cette fois-ci au nombre des convives. Juanillo était aussi de cette partie. Il n'y avait pas de bonne fête sans Juanillo. Jamais il n'avait été plus gai, jamais sa gaieté n'avait été plus communicative. Il chanta avec tant de douceur, il dansa avec tant d'agilité, il fit oublier si complètement sa bosse, que s'il eût été un peu plus avantageux, il aurait interprété autrement qu'il ne fit les gracieux sourires que lui adressa plus d'une fois la signora Donna Lucinda, jolie veuve, sœur de la mariée, en face de qui on l'avait assis à table. Mais, modeste comme il était, il n'osa pas éprouver pour elle d'autre sentiment que la reconnaissance. « Quelle aimable signora, se disait-il, aussi indulgente que belle, aussi belle qu'indulgente. Je me sens tout fier de ses encouragements. Charmante attention de notre hôte de m'avoir placé juste vis-à-vis d'une aussi ravissante personne. Je passerai ma vie à la regarder et à mériter ses sourires. » Et en se parlant ainsi à lui-même, Juanillo se redressait de son mieux, portait la tête haute et hasardait peu à peu quelques regards plus tendres qui n'étaient pas mal accueillis. « Mais, se disait-il, on va enfin se lever de table, et mon profil, hélas, se dessinera sur la muraille. En attendant, avec quelle douceur elle me regarde. Allons, point de pensée chagrine. Je suis comme le ciel m'a fait, forcé d'être philosophe, c'est-à-dire forcé d'être bossu. Contentons-nous d'être aimables, et prenons garde d'être amoureux. » Toutes ces idées venaient souvent à l'esprit du pauvre Juanillo, et il les chassait toujours par son intarissable gaieté. Ce jour-là, il eut peut-être un peu plus de peine à se réconcilier avec la partie fâcheuse de son galbe grotesque. Mais il ne lui en coûta qu'un effort de plus, et l'illusion que son amabilité fit à la jolie veuve en face de laquelle on l'avait placée à table se prolongea après le banquet. L'échange de leurs regards ne discontinua pas un seul moment. Cependant, Juanillo avait un engagement pour le lendemain en ville, et quand le soleil fut couché, il lui fallut prendre congé de ses hôtes ainsi que de la jolie veuve. Le voilà en route, pédestrement, sa guitare suspendue en sautoir, et fredonnant les couplets de la redondie qui lui avait attiré les sourires les plus tendres. Or, Juanillo, s'étant arrangé avec peine à cette fête joyeuse, était parti une heure trop tard, oubliant qu'il avait à traverser la Sierra Morena, et qu'il eût été plus prudent de le faire avant que l'obscurité fût complète. Mais Juanillo se trouvait dans une disposition d'esprit très romanesque, et au lieu de doubler le pas afin de regagner le temps perdu, il se laissa aller à la molle et poétique rêverie d'un promeneur oisif, qui a tout le temps de goûter la fraîcheur du crépuscule, d'admirer le paysage, de se créer des fantômes gracieux de toutes les ombres, de peupler en un mot la solitude des images les plus chères à son cœur. Que d'effets divers peut produire le même lieu, suivant le caractère ou l'humeur capricieuse de celui qui le parcourt. Faites entrer un poltron dans la Sierra Morena à la tombée de la nuit. Le moindre bruit va le faire trembler. Chaque liège au tronc noueux qui se détache de la futaie lui semble un homme de la bande de Guinness des Passamonte qui va lui demander la bourse ou la vie, et peut-être lui ôter l'une et l'autre. Voilà une croix plantée sur un tas de pierres. Le poltron se signe et recommande son âme à Dieu. Cette croix rappelle un horrible assassinat. Quel est ce roc sourcilleux que les pas les plus hardis ne sauraient gravir? Miséricorde, il y a là quelque embuscade, gardons-nous d'y passer. Le poltron fait un long détour pour aller s'égarer dans un autre sentier où il rencontre de nouvelles terreurs. Qui va là? Point de réponse. Mais le poltron s'est heurté contre un tronc renversé. Il tombe, ferme les yeux et se croit mort jusqu'au lendemain. Il ne se relève qu'au point du jour, se remet en marche, et pour justifier son arrivée tardive au logis, il raconte tous les périls qu'il a courus, il décrit tous les bandits qui l'ont poursuivi d'arbre en arbre, de rocher en rocher. Juanillo n'était pas plus brave qu'un autre, peut-être, mais il pouvait dire, comme le proverbe, « Je fus brave un tel jour ». Il est certain qu'il s'engagea dans la Sierra sans songer une seule fois qu'il eût au monde des voleurs et des brigands. Son imagination lui procura des visions plus sentimentales. « Quelle sublime forêt, se disait-il, quelle admirable diversité dans ses aspects, qu'il y a du charme dans ce murmure des arbres, qu'il y a de suavité dans l'air qu'on respire sous ce dôme de verdure, que ce vieux liège est élégant dans ses formes, comme ce lierre enlace pittoresquement ce chêne de ses guirlandes, comme cette grotte doit être fraîche, que j'envie l'ermite qui sans doute y a trouvé un port après les orages de la vie. Ce doit être un majestueux vieillard à la barbe blanche, et ce rond-point qu'on croirait sans issue, ce ne peut être la main des hommes qui a disposé tout autour ces bancs de gazon. C'est ici sans doute que les fées, les dernières fées de l'Espagne, tiennent leur conseil ou dansent au clair de lune. Si la nuit n'était pas un peu noire, je reconnaîtrai, je parie, sur le tapis que je foule, les vestiges de leurs pas. Ah, ce doit être ici que l'illustre chevalier de la Manche rencontra le fou Cardenio et lui fit raconter son histoire. Infortuné Cardenio! Mais c'est encore dans ce site pastoral que Don Quichotte lui-même, pauvre fou lui aussi, résolut d'imiter les finesses amoureuses d'Amadis. Et au lieu de sourire au souvenir des extravagances du chevalier de la triste figure, Juanillo se surprit à le plaindre, à en vouloir à Cervantes d'avoir rendu ridicule ce parangon d'honneur, de vertu, de vaillance et de fidélité en amour. Peut-être, comme il y a un peu d'égoïsme dans nos meilleurs sentiments, Juanillo se comparait-il tout bas à ce bon chevalier qui avait eu, comme lui, le malheur de ne trouver qu'une marâtre dans la nature et de porter une âme tendre, un cœur chevaleresque, dans un corps disgracié. « Hélas, se disait-il, si je m'avisais d'aimer la sœur de Don Inigo, si je laissais surtout percer l'espérance audacieuse d'en être aimé, qui sait, pauvre Juanillo, si tu ne servirais pas de type à une nouvelle parodie du véritable amour ? Pauvre Juanillo, il faudrait qu'une femme te répétât bien souvent qu'elle t'aime pour qu'il te fût permis de la croire. Il n'y a pour toi, comme pour Don Quichotte, que des dames imaginaires, une Dulcinée du Toboso. Eh bien oui, c'est sous ce nom que je t'invoquerai, charmante Señora, qui m'a procuré aujourd'hui quelques heures de célestes illusions. Toi, dont le sourire m'a réconcilié avec moi-même, toi, dont les yeux ont été pour ton chevalier un miroir où il a pu se voir beau et capable de toucher le cœur d'une belle. Ah, que n'es-tu ici avec ton amoureux serviteur, tête à tête sous ces arbres, sans témoin jaloux et ironique, heureux de cette obscurité où deux amants ne se voient plus qu'avec les yeux de l'amour. Mais, se dit-il après sa langoureuse tirade, cette obscurité serait en effet plus favorable à un amant qu'à un voyageur qui a besoin de trouver son chemin. Pendant que j'imite ici les beaux discours de Don Quichotte, la nuit est devenue si noire que je ne saurais plus que me perdre si je fais un pas. Prendrai-je à gauche ou à droite? Ma foi, c'est embarrassant. Attendons la lune, qui doit se lever à minuit, ce sera plus sûr. Jusque-là, je ferai mieux de continuer en songe mes finesses d'amour. Étendons-nous ici sur ce banc de gazon. Cela dit, Juanillo, qui n'abandonnait jamais sa bonne humeur, s'enveloppa de son manteau et s'endormit en répétant tout ce qu'il se rappelait de la belle apostrophe que le même lieu avait inspirée déjà au héros de Michel Cervantes. « Esto es el lugar, o cielos, que disputo y escopo, etc. » Voici le lieu que je choisis au ciel pour y pleurer la mésaventure où tu m'as jeté toi-même. Voici le siège, d'où les larmes de mes yeux grossiront les ondes de ce petit ruisseau, et d'où mes profonds soupirs ne cesseront d'agiter les feuilles de ces arbres de montagne, en témoignage des tourments qu'endure mon cœur éperdu. Ô vous, qui que vous soyez, dieux agrestes, qui faites votre séjour de cette forêt déserte, écoutez les plaintes du malheureux amant, que l'absence et des peines imaginaires ont conduit dans ces lieux inhabités pour y gémir des rigueurs de cette belle ingrate, perfection de la beauté humaine. Ô vous, dryades et nappées, qui demeurez dans ces ombrages touffus, que les légers et pétulants satyres, vainement amoureux de vos charmes, ne troublent jamais votre doux repos, si vous daignez m'aider à déplorer mon infortune, ou si du moins vous ne vous lassez pas de m'entendre. Ô Dulcinée, jour de ma nuit, gloire de ma peine, boussole de mon voyage, étoile de ma fortune, puisse le ciel t'accorder tous tes désirs, si tu compatis à la situation où ton absence m'a réduit, si tu réponds enfin à ma foi comme je le mérite, etc. Chapitre deuxième. Le pauvre chevalier de la ronde bosse, ayant ainsi dit ses vêpres amoureuses, goûta le sommeil d'une bonne conscience et fit les songes les plus poétiques et les plus délicieux que l'amour puisse envoyer à ceux qui, comme lui, ont foi à ses miracles. Il se réveilla lorsque le premier rayon de la lune vint tomber sur ses paupières. Mais en ouvrant les yeux, il crut rêver encore. L'astre des nuits éclairait la pelouse et revêtait d'une tapisserie gaze et argent la verte décoration rustique de ce lieu retiré de la Sierra. Juanillo avait supposé que les fées devaient quelquefois tenir leurs assemblées nocturnes. Or, sa supposition se trouvait être une réalité. Le rond-point était converti en salle de bal et de concert. À l'espèce de tumulte et de murmure qui régnait encore, il était facile de voir que la fête commençait à peine. Quelques fées suspendaient aux feuilles des chênes et des lièges les vers luisants qui leur servent de lampions. Les musiciens accordaient leurs instruments dans un coin. Les danseuses essayaient leurs pas en se tenant d'une main à une tige de genêt qui, au moindre souffle de la brise, enlevait son léger fardeau à la terre et le berçait parmi des girandoles de fleurs d'or. De jeunes lutins fixaient un fil d'araignée entre deux branches et jouaient à courir sans balancier sur cette corde imperceptible. D'autres surprenaient les insectes endormis, les dépouillaient de leurs écailles bleues ou vertes pour s'en parer en guise de cuirasses ou de casques étincelants. Mais, silence, que chacun prenne sa place. L'orchestre est prêt, la danse commence. C'est d'abord une petite sylphide qui ravit l'assemblée par ses pirouettes, puis un lutin bouffon qui la courtise par les tours de force les plus merveilleux et se voit dédaigné pour un danseur moins extraordinaire mais plus élégant. Éternel triomphe du beau et du vrai sur le grotesque, de la grâce sur le mauvais goût. Cette pantomime changea plusieurs fois de personnage et de figure, pour se terminer enfin par une ronde générale. Juanillo était transporté de plaisir. Après la danse, le chant. Ce fut d'abord une de ces mélodies que les amants et les poètes ont seuls le privilège d'ouïr dans leurs rêves. Musique vague que les uns croient émaner des sphères célestes, les autres d'une harpe éolienne. Musique indéfinissable, sans note ni gamme connue, mais dont on ne peut pas plus douter que de l'âme et du paradis. Juanillo écouta quelque temps avec l'immobilité de l'extase. C'était le premier effet de l'admiration, même sur le génie. L'émulation ne vient qu'après. Enhardi bientôt, il prit sa guitare et osa accompagner par quelque très heureux cette harmonie délicieuse. Oh, bonheur de l'artiste! Il n'y eut pas de dissonance. Soudain, pour varier leur concert, les fées font succéder un motif populaire emprunté à la musique des hommes, motif que l'une d'elles avait retenu sans doute en assistant inaperçu à quelques noces villageoises, mais incomplet comme air et comme parole, car l'éternelle ritournelle répétait sans cesse les trois mêmes notes de ce seul vers « Lunes si martes si miércoles stress ». Vraiment, pensa Juanillo, en reconnaissance de l'harmonie divine que je viens d'entendre, je devrais bien à mon tour enrichir de quelques notes la partition de ces jolis petits musiciens. Profitant d'un repos, il fit grincer les cordes de sa guitare de manière à réclamer le silence et s'écria « Pardon, mes maîtres, toute chanson a besoin de sa rime, écoutez-moi. » Puis, recommençant seul, il chanta de sa voix la plus douce « Lunes si martes si miércoles stress » Jovès, Ivernès, Sabbat, Oseis. Charmé de cette voix si juste et si moelleuse, de cet arpège plein de goût, les musiciens de la Sierra acceptèrent cette addition à leur refrain. Lunes, Martes, Miércoles, Tres, Jovès, Ivernès, Sabbat, Oseis. Répétèrent à l'envi mille voix de fées, accompagnées par la voix et la guitare de Juanillo. Celle qui ne faisait pas partie du chœur s'approchait de lui et admirait en souriant son courage, son enthousiasme et sa verve. Enfin, le concert terminé, la ronde recommence, vaste chaîne tournant sans cesse sur elle-même et dont mille fées ou lutins formaient les mille anneaux. « Place aux musiciens inconnus !» cria une voix. La chaîne s'ouvre, deux mains de fées s'emparent des mains de Juanillo et le voilà sautant, courant comme les autres, étonné de se sentir si leste, si agile, si souple dans tous ses membres. « Ah ! » dit-il, quand le jeu toucha à sa fin, et en essuyant la sueur de son front. « Il me semble que ma bosse s'est à moitié fondue dans cette farodole fantastique. » Alors, le coryphée de la bande s'approcha de lui. « Je suis chargé de vous remercier, » lui dit-il. « Avez-vous quelque désir que nous puissions exaucer ? Parlez sans crainte. » Juanillo, trop essoufflé encore pour répondre, mais ne voulant pas cependant paraître indécis ou indifférent, fit un double geste de l'épaule et du doigt comme pour dire « Mesdames et messieurs, c'est trop d'honneur que vous avez fait à un pauvre bossu tel que moi. Ou plutôt, ah, si vous pouviez, mesdames et messieurs, donner le dernier coup de rabot à cette épine dorsale que Dame Nature a oublié de redresser lorsqu'elle m'a mis au monde. » Ce fut du moins ainsi que le comprit la fée, car, à un signe qu'elle fit à deux lutins, ceux-ci accoururent, saisirent Juanillo par les deux bras, et le secouèrent si fortement qu'il se crut brisé en deux. Les deux lutins n'avaient fait heureusement que ce qu'on voit pratiquer tous les jours dans nos établissements orthopédiques. En sortant de leurs mains, Juanillo fut un autre homme. Les fées disparurent en le saluant. et lui, cédant alors à une fatigue insurmontable, s'enveloppa de nouveau dans son manteau pour dormir quelques heures de plus, malgré le clair de lune. Cette fois, ce fut le jour qui le réveilla. Le jour et le gazouillement des oiseaux, le bourdonnement des abeilles, l'harmonie vivante de la forêt. « Ah !» dit-il en se frottant les yeux, « quel rêve ! Mais non, ce n'en est pas un. Voilà bien deux fois que mon sommeil est interrompu. J'ai vu la lune argenter ses massifs de verdure, ce gazon diapré, cette eau murmurante, comme je vois le soleil à son tour les dorer de ses premiers rayons. C'était bien les fées et les lutins qui dansaient là où voltigent les insectes et les papillons. C'était bien leur musique enchantée que répétait à minuit l'écho de la Sierra, comme ils répètent ce matin le sifflement joyeux du merle et les fioritures du rossignol. Quelle merveilleuse apparition !» Et Juanillo s'approchait timidement de l'onde claire pour essayer de voir dans son cristal s'il était bien réellement embelli et redressé, mais il n'osa pas regarder. « C'est manqué de foi, » pensa-t-il. « Je me tiens pour le plus joli homme de toutes les Espagnes. Si j'allais comme Narcisse, devenir amoureux de moi et courir après mon ombre dans l'eau, ce n'est pas sur mon amour-propre que j'ai besoin de tenter l'épreuve. Je veux retourner chez Don Inigo au lieu de me rendre à la ville. Je veux me montrer d'abord à Doña Lucinde. Je veux oser lui dire que je l'aime et obtenir d'elle son aveu. » La matinée était fraîche. Juanillo agrafa son manteau comme s'il avait encore à dissimuler la taille des opes, et, rebroussant chemin, il arriva d'un pas léger chez son hôte de la veille. La fête s'était prolongée toute la nuit. Tout le monde était couché encore, dit-on à Juanillo, qui, en attendant qu'il fît jour dans le château, alla faire une promenade dans le jardin. Tout le monde est couché. Quelle est donc cette dame que je viens de voir se glisser sous ce berceau de clématite et de chèvrefeuille? Est-ce encore une des fées de cette nuit? Pensa Juanillo. Et il pénétra sous le berceau. Ce n'était pas une fée, mais une beauté matinale, chassée de son lit de bonne heure par une tendre insomnie. C'était Doña Lucinde elle-même qui fut bien surprise de reconnaître Juanillo se glissant comme elle à pas de loup sous le mystérieux ombrage. « Quoi? C'est vous, Juanillo? C'est vous, Doña Lucinde? Sitôt de retour? Hélas, trouvez-vous que ce soit trop tôt, señora? Au contraire, Juanillo, si cependant ce n'est rien de fâcheux qui vous ramène, que vous est-il arrivé en route? Vous n'avez pas rencontré de voleurs, au moins? Vous étiez parti bien tard hier soir, Juanillo. » « Je vous remercie de votre tendre intérêt, señora, mais rassurez-vous, ce serait toujours un heureux événement, quel qu'il fût, celui qui me ramènerait près de Doña Lucinde. » « Toujours galant, le matin comme le soir. Hélas, señora, dites toujours malheureux. » « Malheureux. Expliquez-vous, Juanillo. Quelle contradiction. » « Malheureux. Vous m'effrayez. » « Malheureux. Pourquoi malheureux? Ai-je dit malheureux, señora? Ah, c'est un autre mot que je voulais dire. » Je n'ai osé en conserver que la rime. Je voulais dire amoureux. Punissez-moi de mon audace. » Et Juanillo tomba aux pieds de Doña Lucinde qui, au lieu de le punir, de le trouver coupable, d'appeler au secours, le regarda encore plus favorablement que la veille. À 8 jours de là, dans la petite ville où était né Juanillo, tous ceux qui se rencontraient sur la place du marché n'avaient qu'un même sujet de conversation. « Eh bien, savez-vous la nouvelle, voisin ?» Le mariage de Doña Lucinde? Mes voisines. Est-ce Juanillo le bossu qu'elle épouse décidément? Sans doute, voisin. Mais qu'appelez-vous bossu? Juanillo est droit comme vous et moi. S'il a eu jamais une épaule plus haute que l'autre, il a su si bien s'assujettir à je ne sais quel régime qu'on ne s'en aperçoit plus. Vous plaisantez. Du tout. Vous le verrez quand il reviendra du château de Don Inigo, où il a fait la conquête de Doña Lucinde. Par Cupidon, j'en félicite cette señora. Il n'y eut jamais de bossu plus aimable. Encore une fois, je vous dis qu'il n'est plus bossu, voisin, s'il le fut jamais. C'est charmant, voisine. Vous êtes comme toutes les femmes de notre ville qui n'ont jamais voulu convenir que leur favori eut le moindre défaut. Vous verrez que, touchée par leur prière, quelque bonne fée consentira sérieusement à redresser Juanillo. Je vous soutiens que c'est déjà fait. L'histoire du mariage de Juanillo et l'histoire de son aventure dans la Sierra fut raconté de 1000 manières. Mais, conclusion, vous vous seriez fait arracher les yeux par toutes les femmes si vous aviez trouvé la moindre inégalité entre les épaules de l'heureux bossu. Tout ce qu'on vous accordait, si vous vous obstiniez à nier le miracle par esprit de contradiction, c'est qu'on pouvait à la rigueur reconnaître la trace de son ancienne infirmité dans un salut un peu penché. Et encore, vous aviez des fanatiques de la beauté de Juanillo qui vous déclaraient que c'était une grâce de plus ou une preuve généalogique qu'il descendait peut-être d'Alexandre le Grand. Heureux Juanillo, lui qui se serait contenté de paraître embelli aux yeux de Doña Lucinde. Si tout le monde applaudit à la bonne fortune de Juanillo, si personne ne lui envia son talisman, il faut en excepter Don Marcos de la Punta ou Don Marcos el Corcovado. Il serait mort de jalousie s'il n'eût vécu dans l'espoir de se venger d'une manière ou d'une autre. Prenant à la lettre tout ce qu'on disait de la rencontre de Juanillo avec les fées, il songea d'abord à dénoncer son fortuné rival à l'Inquisition. « Car, dit-il, les fées sont les filles du diable, si ce ne sont des diables elles-mêmes. » Mais, par réflexion, il crut qu'il ferait mieux d'aller préalablement lui-même tenter la même aventure et voir si le diable ou les fées voudraient lui enlever sa bosse pour prix de quelque noirceur dont il s'acquitterait bien mieux que Juanillo. Car le méchant ne pouvait se persuader qu'on gagnât quelque chose à être bon. Il était loin d'admettre que Juanillo valût mieux que lui. Il lui faisait l'honneur de le croire seulement plus adroit, je veux dire plus hypocrite. Corcovado, s'étant bien informé du lieu, de l'heure et du jour où Juanillo avait eu la rencontre des fées, se rendit secrètement à la Sierra Morena, sans oublier sa guitare. Les indications étaient exactes. Il prit son poste avant minuit sous le même liège qui avait couvert Juanillo de ses branches pendantes, et il attendit avec l'impatience de l'anxiété que la lune se leva. Dès qu'un premier reflet de sa chaste lumière eut pénétré à travers les feuilles, les avant-coureurs du peuple fantastique entrèrent dans le rond-point et préparèrent la salle pour la fête nocturne. Les verres luisants furent suspendus aux arbres, qui scintillèrent comme si les petites mains des fées avaient éparpillé sur le sombre feuillage les atomes d'une poudre de feu. Les lutins de l'orchestre dressèrent leurs pupitres, et Corcovado crut reconnaître la bosse de Juanillo convertie à cet usage par l'un de ses ingénieux musiciens. Mais voilà déjà le signal, le premier coup d'archet, qu'à part soi l'indiscret témoin osa trouver moins éclatant que le coup d'archet du directeur du théâtre de Madrid où il avait jadis fait un voyage. Les fées dansèrent. Corcovado rit tout bas de leur gambade, qui s'écartait des principes de la pirouette classique, et à peine si le grotesque lui-même l'amusa. Elles chantèrent. S'il ne s'était promis de tout voir et de tout écouter, le profane se fut boucher les oreilles, tant il lui sembla qu'elles violaient les lois de la gamme. Enfin, on entonna le fameux refrain enrichi de l'addition de Juanillo, « Lunes y martes y miércoles tres, lluves y viernes y sabados yeis. » « Voici le moment, » se dit Corcovado, et quand il vit qu'elle s'arrêta là, le maladroit, sans égard pour la rime, sans respect pour le sentiment des fées, qui encore un peu païenne en Espagne, répugnait à entendre prononcer le nom du dimanche, le jour de notre Seigneur, il leur cria « Ajoutez donc, y domingo siete !» Ces mots produisirent dans l'assemblée une singulière cacophonie. Tous les musiciens y répondirent par une fausse note. Le concert fut interrompu. « Où est l'insolent ? » s'écria-t-on de toutes parts. L'insolent fut bientôt aperçu, appréhendé au corps et conduit au milieu du cercle. « Ah, c'est le bossu Marcos el Corcovado !»« Fis donc !» dit un lutin qui en même temps fit éclater à son oreille une gousse de bagnodier. « Fis donc !» dit un autre en lui écrasant sous le nez un de ces agarics nommés très indélicatement « veste de loup ».« Oh, la vilaine chouette !» cria un troisième en lui lançant à l'œil gauche le lait âcre d'une coque lourde. Bref, quand chacun eut exprimé son dégoût, on fit subir à Corcovado un interrogatoire plus régulier. Il confessa le but de son voyage et l'espoir qu'il avait eu d'obtenir la même faveur que Juanillo, n'importe à quelles conditions. Cet espoir fut unanimement traité d'outrecuidance. Quelques fées se parlèrent à l'oreille, la ronde recommença et Corcovado en fut. Mais le malheureux, la farandole l'emporta comme un tourbillon, ébloui par ses mouvements précipités, incapable de se mettre au pas de ce galop infernal, il roula par terre et crut dans sa chute s'être enfoncé au moins une côte. « Au secours ! Au secours !» Les fées vérifièrent qu'il était sain et sauf, mais sous prétexte de lui appliquer un onguent de leur pharmacie fantastique, Elles le déshabillèrent jusqu'à la ceinture. Oh, douleur ! Corcovado perdit connaissance, et quand il revint à lui, au lieu d'avoir sa bosse de moins, il en avait une de plus, celle de Juanillo, la sienne derrière, celle-ci devant. Corcovado revint à la ville, confus, honteux, enragé contre les fées, contre les hommes, contre son heureux rival et contre lui-même. Chacun de rire à sa vue, personne de le plaindre, excepté le bon Juanillo, qui cependant ne poussa pas la charité jusqu'à réclamer la restitution de sa bosse. C'est de l'histoire de Corcovado qu'est venue cette expression proverbiale espagnole « y domingo siete » et « dimanche 7 » pour dire à quelqu'un qu'il a parlé mal à propos. Ainsi s'achèvent les deux bossus d'Amédée Pichot.